Chapitre 4 La ville. Cité et ville n'étaient pas des mots synonymes chez les anciens. La cité était l'association religieuse et politique des familles et des tribus. La ville était le lieu de réunion, le domicile et surtout le sanctuaire de cette association. Il ne faudrait pas nous faire des villes anciennes l'idée que nous donne celle que nous voyons s'élever de nos jours. On bâtit quelques maisons, c'est un village. Insensiblement, le nombre des maisons s'accroît. C'est une ville. Et nous unissons, s'il y a lieu, par l'entourer d'un fossé et d'une muraille. Une ville chez les anciens ne se formait pas à la longue, par le lent accroissement du nombre des hommes et des constructions. On fondait une ville d'un seul coup, tout entière, en un jour. Mais il fallait que la cité fût constituée d'abord, et c'était l'œuvre la plus difficile, et ordinairement la plus longue. Une fois que les familles, les fratries et les tribus étaient convenus de s'unir et d'avoir un même culte, aussitôt on fondait la ville pour être le sanctuaire de ce culte commun. Aussi la fondation d'une ville était-elle toujours un acte religieux. Nous allons prendre pour premier exemple Rome elle-même, en dépit de la vogue d'incrédulité qui s'attache à cette ancienne histoire. On a bien souvent répété que Romulus était un chef d'aventuriers, qu'il s'était fait un peuple en appelant à lui des vagabonds et des voleurs, et que tous ces hommes ramassés sans choix avaient bâti au hasard quelques cabanes pour y enfermer leur butin. Mais les écrivains anciens nous présentent les faits d'une toute autre façon, et il nous semble que si l'on veut connaître l'Antiquité, la première règle doit être de s'appuyer sur les témoignages qui nous viennent d'elle. Ces écrivains parlent à la vérité d'un asile, c'est-à-dire d'un enclos sacré, où Romulus admit tous ceux qui se présentèrent, en quoi il suivait l'exemple que beaucoup de fondateurs de villes lui avaient donné. Mais cet asile n'était pas la ville. Il ne fut même pas ouvert qu'après que la ville avait été fondée et complètement bâtie. C'était un appendice ajouté à Rome. Ce n'était pas Rome. Il ne faisait même pas partie de la ville de Romulus, car il était situé au pied du mont Capitolin, tandis que la ville occupait le plateau du Palatin. Il importe de bien distinguer le double élément de la population romaine. Dans l'asile sont les aventuriers sans feu ni lieu. Sur le Palatin sont les hommes venus d'Albe, c'est-à-dire les hommes déjà organisés en société, distribués en gentes et en curies, ayant des cultes domestiques et des lois. L'asile n'est qu'une sorte de hameau ou de faubourg où les cabanes se bâtissent au hasard et sans règles. Sur le Palatin s'élève une ville religieuse et sainte. Sur la manière dont cette ville fut fondée, l'Antiquité abonde en renseignements. On en trouve dans Denis d'Halicarnasse, qui l'épuisait chez des auteurs plus anciens que lui. On en trouve dans Plutarque, dans les Fastes d'Ovide, dans Tacite, dans Caton l'Ancien, qui avait compulsé les vieilles annales, et dans deux autres écrivains qui doivent surtout nous inspirer une grande confiance, le savant Varron et le savant Virius Flaccus, que Festus nous a en partie conservés. Tous les deux fort instruits, des antiquités romaines, amis de la vérité, nullement crédules, et connaissant assez bien les règles de la critique historique. Tous ces écrivains nous ont transmis le souvenir de la cérémonie religieuse qui avait marqué la fondation de Rome, et nous ne sommes pas en droit de rejeter un tel nombre de témoignages. Il n'est pas rare de rencontrer chez les anciens des faits qui nous étonnent. Est-ce un motif pour dire que ce sont des fables, surtout si ces faits qui s'éloignent beaucoup des idées modernes s'accordent parfaitement avec celles des anciens? Nous avons vu dans leur vie privée une religion qui réglait tous leurs actes. Nous avons vu ensuite que cette religion les avait constitués en société. Qu'y a-t-il d'étonnant après cela que la fondation d'une ville ait été aussi un acte sacré et que Romulus lui-même ait dû accomplir des rites qui étaient observés partout? Le premier soin du fondateur est de choisir l'emplacement de la ville nouvelle. Mais ce choix, chose grave et dont on croit que la destinée du peuple dépend, est toujours laissée à la décision des dieux. Si Romulus eût été grec, il aurait consulté l'oracle des Delphes. Samnite, il eût suivi l'animal sacré, le loup ou le pivert. Latin, tout voisin des Étrusques, initié à la science augurale. Il demande aux dieux de lui révéler leur volonté par le vol des oiseaux. Les dieux lui désignent le Palatin. Le jour de la fondation venue, il offre d'abord un sacrifice. Ses compagnons sont rangés autour de lui. Ils allument un feu de broussailles, et chacun saute à travers la flamme légère. L'explication de ce rite est que, pour l'acte qui va s'accomplir, il faut que le peuple soit pur. Or, les anciens croyaient se purifier de toute tâche physique ou morale en sautant à travers la flamme sacrée. Quand cette cérémonie préliminaire a préparé le peuple au grand acte de la fondation, Romulus creuse une petite fosse de forme circulaire. Il y jette une motte de terre qu'il a apportée de la ville d'Albe. Puis chacun de ses compagnons, s'approchant à son tour, jette comme lui un peu de terre qu'il a apportée du pays d'où il vient. Ce rite est remarquable, et il nous révèle chez ces hommes une pensée qu'il importe de signaler. Avant de venir sur le Palatin, ils habitaient Albe, ou quelque autre des villes voisines. Là était leur foyer. C'est là que leur père avait vécu et était enseveli. Or, la religion défendait de quitter la terre où le foyer avait été fixé et où les ancêtres divins reposaient. Il avait donc fallu, pour se dégager de toute impiété, que chacun de ces hommes usât d'une fiction et qu'il emportât avec lui, sous le symbole d'une motte de terre, le sol sacré où ses ancêtres étaient ensevelis et auquel leur manne était attachée. L'homme ne pouvait se déplacer qu'en emmenant avec lui son sol et ses aïeux. Il fallait que ce rite fût accompli pour qu'il pût dire, en montrant la place nouvelle qu'il avait adoptée, « Ceci est encore la terre de mes pères, terra patrum, patria. Ici est ma patrie, car ici sont les mânes de ma famille. » La fosse où chacun avait ainsi jeté un peu de terre s'appelait Mundus. Or ce mot désignait dans l'ancienne langue la région des mânes. De cette même place, suivant la tradition, les âmes des morts s'échappaient 3 fois par an, désireuses de revoir un moment la lumière. Ne voyons-nous pas encore dans cette tradition la véritable pensée de ces anciens hommes? En déposant dans la fosse une motte de terre de leurs anciennes patries, ils avaient cru y enfermer aussi les âmes de leurs ancêtres. Ces âmes réunies là devaient recevoir un culte perpétuel et veiller sur leurs descendants. Romulus, à cette même place, posa un autel et il alluma du feu. Ce fut le foyer de la cité. Le foyer fut déplacé plus tard, lorsque les 3 villes du Palatin, du Capitolin et du Quirinal s'unirent en une seule. Le foyer commun ou temple de Vesta fut placé sur un terrain neutre entre ces 3 collines. Autour de ce foyer doit s'élever la ville, comme la maison s'élève autour du foyer domestique. Romulus trace un sillon qui marque l'enceinte. Ici encore, les moindres détails sont fixés par un rituel. Le fondateur doit se servir d'un soc de cuivre. Sa charrue est traînée par un taureau blanc et une vache blanche. Romulus, la tête voilée et sous le costume sacerdotal, tient lui-même le manche de la charrue et la dirige en chantant des prières. Ses compagnons marchent derrière lui en observant un silence religieux. À mesure que le soc soulève des mottes de terre, on les rejette soigneusement à l'intérieur de l'enceinte, pour qu'aucune parcelle de cette terre sacrée ne soit du côté de l'étranger. Cette enceinte tracée par la religion est inviolable. Ni étranger, ni citoyen n'a le droit de la franchir. Sauter par-dessus ce petit sillon est un acte d'impiété. La tradition romaine disait que le frère du fondateur avait commis ce sacrilège et l'avait payé de sa vie. Mais pour que l'on puisse entrer dans la ville et en sortir, le sillon est interrompu en quelques endroits. Pour cela, Romulus a soulevé et porté le soc. Ces intervalles s'appelaient portae. Ce sont les portes de la ville. Sur le sillon sacré, ou un peu en arrière, s'élèvent ensuite les murailles. Elles sont sacrées aussi. Nul ne pourra y toucher, même pour les réparer, sans la permission des pontifes. Des 2 côtés de cette muraille, un espace de quelques pas est donné à la religion. On l'appelle pomoerium. Il n'est permis ni d'y faire passer la charrue, ni d'y élever aucune construction. Telle a été, suivant une foule de témoignages anciens, la cérémonie de la fondation de Rome. Que si l'on demande comment le souvenir a pu s'en conserver jusqu'aux écrivains qui nous l'ont transmis, c'est que cette cérémonie était rappelée chaque année à la mémoire du peuple par une fête anniversaire qu'on appelait le jour natal de Rome. Cette fête a été célébrée dans toute l'Antiquité, d'année en année, et le peuple romain la célèbre encore aujourd'hui à la même date qu'autrefois, le 21 avril. Tant les hommes, à travers leur incessante transformation, restent fidèles aux vieux usages. On ne peut pas raisonnablement supposer que de tels rites aient été imaginés pour la première fois par Romulus. Il est certain, au contraire, que beaucoup de villes avant Rome avaient été fondées de la même manière. Varron dit que ces rites étaient communs au Latium et à l'Étrurie. Caton l'Ancien, qui pour écrire son livre des origines avait consulté les annales de tous les peuples italiens, nous apprend que des rites analogues étaient pratiqués par tous les fondateurs de villes. Les Étrusques possédaient des livres liturgiques où était consigné le rituel complet de ces cérémonies. Les Grecs croyaient, comme les Italiens, que l'emplacement d'une ville devait être choisi et révélé par la divinité. Aussi, quand ils voulaient en fonder une, consultaient-ils l'oracle de Delphes. Hérodote signale, comme un acte d'impiété ou de folie, que le Spartiate Dorié ait osé bâtir une ville, sans consulter l'oracle et sans pratiquer aucune des cérémonies prescrites, et le pieux historien n'est pas surpris qu'une ville ainsi construite, en dépit des règles, n'ait duré que 3 ans. Thucydide, rappelant le jour où Sparte fut fondée, mentionne les chants pieux et les sacrifices de ce jour-là. Le même historien nous dit que les Athéniens avaient un rite particulier et qu'ils ne fondaient jamais une colonie sans s'y conformer. On peut voir dans une comédie d'Aristophane un tableau assez exact de la cérémonie, qui était usitée en pareil cas. Lorsque le poète représentait la plaisante fondation de la ville des oiseaux, il songeait certainement aux coutumes qui étaient observées dans la fondation des villes des hommes. Aussi mettait-il sur la scène un prêtre qui allumait un foyer, en invoquant les dieux, un poète qui chantait des hymnes, et un devin qui récitait des oracles. Pausanias parcourait la Grèce vers le temps d'Adrien. Arrivé en Messénie, il se fit raconter par les prêtres la fondation de la ville de Mécène, et il nous a transmis leur récit. L'événement n'était pas très ancien. Il avait eu lieu au temps d'Épaminondas. 3 siècles auparavant, les Messéniens avaient été chassés de leur pays, et depuis ce temps-là, ils avaient vécu dispersés parmi les autres Grecs, sans patrie, mais gardant avec un soin pieux leurs coutumes et leur religion nationale. Les Thébains voulaient les ramener dans le Péloponnèse, pour attacher un ennemi au flanc de Sparte. Mais le plus difficile était de décider les Messéniens. Épaminondas, qui avait affaire à des hommes superstitieux, crut devoir mettre en circulation un oracle prédisant à ce peuple le retour dans son ancienne patrie. Des apparitions miraculeuses attestèrent que les dieux nationaux des Messéniens, qui les avaient trahis à l'époque de la conquête, leur étaient redevenus favorables. Ce peuple timide se décida alors à rentrer dans le Péloponnèse à la suite d'une armée thébaine. Mais il s'agissait de savoir où la ville serait bâtie, car d'aller réoccuper les anciennes villes du pays, il n'y fallait pas songer. Elles avaient été souillées par la conquête. Pour choisir la place où l'on s'établirait, on n'avait pas la ressource ordinaire de consulter l'oracle de Delphes, car la Pythie était alors du parti de Sparte. Par bonheur, les dieux avaient d'autres moyens de révéler leur volonté. Un prêtre messénien eut un songe, où l'un des dieux de sa nation lui apparut et lui dit qu'il allait se fixer sur le mont Itome et qu'il invitait le peuple à l'y suivre. L'emplacement de la ville nouvelle étant ainsi indiqué, il restait encore à savoir les rites qui étaient nécessaires pour la fondation. Mais les Messéniens les avaient oubliés. Ils ne pouvaient pas d'ailleurs adopter ceux des Thébains, ni d'aucun autre peuple, et l'on ne savait comment bâtir la ville. Un songe vint fort à propos à un autre Messénien. Les dieux lui ordonnaient de se transporter sur le mont Itome, d'y chercher un nif qui se trouvait auprès d'un myrte, et de creuser la terre en cet endroit. Il obéit. Il découvrit une urne, et dans cette urne des feuilles d'étain, sur lesquelles se trouvait gravé le rituel complet de la cérémonie sacrée. Les prêtres en prirent aussitôt copie et l'inscrivirent dans leur livre. On ne manqua pas de croire que l'urne avait été déposée là par un ancien roi des Messéniens avant la conquête du pays. Dès qu'on fut en possession du rituel, la fondation commença. Les prêtres offrirent d'abord un sacrifice. On invoqua les anciens dieux de la Messénie, les Dioscures, le Jupiter de l'Itome, les anciens héros, les ancêtres connus et vénérés. Tous ces protecteurs du pays l'avaient apparemment quitté, suivant les croyances des anciens. Le jour où l'ennemi s'en était rendu maître, on les conjura d'y revenir. On prononça des formules qui devaient avoir pour effet de les déterminer à habiter la ville nouvelle, en commun avec les citoyens. C'était là l'important. Fixer les dieux avec eux était ce que ces hommes avaient le plus à cœur. Et l'on peut croire que la cérémonie religieuse n'avait pas d'autre but. De même que les compagnons de Romulus creusaient une fosse et croyaient y déposer les mânes de leurs ancêtres, ainsi les contemporains d'Épaminondas, appelaient à eux leurs héros, leurs ancêtres divins, les dieux du pays. Ils croyaient par des formules et par des rites les attacher au sol qu'ils allaient eux-mêmes occuper, et les enfermer dans l'enceinte qu'ils allaient tracer. Aussi leur disaient-ils « Venez avec nous, ô êtres divins, et habitez en commun avec nous cette ville. » Une première journée fut employée à ces sacrifices et à ces prières. Le lendemain, on traça l'enceinte, pendant que le peuple chantait des hymnes religieux. On est surpris d'abord quand on voit dans les auteurs anciens qu'il n'y avait aucune ville, si antique qu'elle pût être, qu'il ne prétendît savoir le nom de son fondateur et la date de sa fondation. C'est qu'une ville ne pouvait pas perdre le souvenir de la cérémonie sainte qui avait marqué sa naissance, car chaque année elle en célébrait l'anniversaire par un sacrifice. Athènes, aussi bien que Rome, fêtait son jour natal. Il arrivait souvent que des colons ou des conquérants s'établissaient dans une ville déjà bâtie. Ils n'avaient pas de maison à construire, car rien ne s'opposait à ce qu'ils occupassent celle des vaincus. Mais ils avaient à accomplir la cérémonie de la fondation, c'est-à-dire à poser leur propre foyer et à fixer dans leur nouvelle demeure leurs dieux nationaux. C'est pour cela qu'on lit dans Thucydide et dans Hérodote que les Doriens fondèrent Lacédémone et les Ioniens Milet. Quoique les deux peuples eussent trouvé ces villes toutes bâties et déjà fort anciennes. Ces usages nous disent clairement ce que c'était qu'une ville dans la pensée des anciens. Entourée d'une enceinte sacrée et s'étendant autour d'un autel, elle était le domaine religieux qui recevait les dieux et les hommes de la cité. Tite Livre disait de Rome « Il n'y a pas une place dans cette ville qui ne soit imprégnée de religion et qui ne soit occupée par quelque divinité. Les dieux l'habitent. » Ce que Tite Livre disait de Rome, tout homme pouvait le dire de sa propre ville, car si elle avait été fondée suivant les rites, elle avait reçu dans son enceinte des dieux protecteurs qui s'étaient comme implantés dans son sol et ne devaient plus le quitter. Toute ville était un sanctuaire, toute ville pouvait être appelée sainte. Comme les dieux étaient pour toujours attachés à la ville, le peuple ne devait pas non plus quitter l'endroit où ces dieux étaient fixés. Il y avait à cet égard un engagement réciproque, une sorte de contrat entre les dieux et les hommes. Les tribuns de la plèbe disaient un jour que Rome, dévastée par les Gaulois, n'était plus qu'un monceau de ruines, qu'à 5 lieues de là il existait une ville toute bâtie, grande et belle, bien située et vide d'habitants, depuis que les Romains en avaient fait la conquête, qu'il fallait donc laisser la Rome détruite et se transporter à Veii. Mais le pieux Camille leur répondit « Notre ville a été fondée religieusement. » Les dieux mêmes en ont marqué la place et s'y sont établis avec nos pères. Toute ruinée qu'elle est, elle est encore la demeure de nos dieux nationaux. Les Romains restèrent à Rome. Quelque chose de sacré et de divin s'attachait naturellement à ces villes que les dieux avaient élevées et qu'ils continuaient à remplir de leur présence. On sait que les traditions romaines permettaient à Rome l'éternité. Chaque ville avait des traditions semblables. On bâtissait toutes les villes pour être éternelles.